الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Désolé pour le souci de connexion. Nous allons reprendre la lecture d'un grand livre. Le livre du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, Adda wa Dawa, la maladie et le remède. Et c'est une lecture qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité il y a quelques mois. Et nous sommes arrêtés. Mada barakallahu fikum, à la moitié du livre. Nous sommes arrêtés à la moitié du livre, après le passage, le long passage, parfaitement bien détaillé, au sujet des effets des péchés. Au sujet des effets des péchés. Et les semaines passées, Allah Azza wa Jalla nous a facilité le résumé de cela. Donc reprenons cette lecture en espérant qu'à travers elle, Allah Tabaraka wa Ta'ala purifie, réforme nos cœurs, nos langues et nos membres. Inna wali udhalik wal qadiru alayhi. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa bihi at-tawfiq wa bihi nasta'in. L'auteur, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, nous dit wa'uqubati aw wa'uqubatu adh-dhunubi naw'an. Shar'iyyatun wa qadariyyah. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit que les punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à ses serviteurs ou met sur ses serviteurs sont de deux types. Il y a les punitions religieuses et il y a les punitions universelles. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal décrète sur eux des choses en guise de punition à cause de leur péché. À cause de leur péché. Et si la personne n'a pas sa punition religieuse, alors la punition universelle vient de manière inéluctable. À l'inverse, si la personne a eu sa punition religieuse, soit la punition universelle est relevée, ôtée, enlevée, soit elle est allégée. Et très rares sont les fois où Allah Azza wa Jal unit entre ces deux types de punitions. Et le but dans tout cela est de nous avertir et de nous éloigner des péchés en ayant connaissance de leur gravité, de leur dangerosité, de leur effet destructeur et délétère. Plus le serviteur aura connaissance de ses effets, plus il sera à même de fuir la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le péché. Ayadhan billah. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit وأما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les mots qu'Allah décrète sur les pécheurs peuvent avoir des effets, un impact qui est restreint sur le pécheur ou peuvent se répercuter de manière plus générale dans la société. فَإِنَّ الْمَعْصِيَةِ car certes le péché, إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا صَاحِبَهَا tant que le péché est caché, il ne nuira qu'au pécheur. وَإِذَا أُعْلِنَتْ ضَرَّتِ الْخَاصَّةِ وَالْعَمَّةِ par contre, dès lors qu'il se fait en public et dès lors qu'il est mentionné et propagé, il nuira à la personne qui a commis le péché, mais également à ceux qui l'entourent, à la société. Ainsi, on voit ici l'importance de an-nahyu 'anil munkar, le fait de blâmer le mal. Lorsqu'il y a une chose répréhensible, lorsqu'il y a une désobéissance qui est commise, lorsqu'il y a des incivilités qui sont commises, lorsqu'il y a du mal, des injustices, il faut se dresser face à ces injustices. Il faut conseiller la personne en privé, faire en sorte qu'elle se corrige, qu'elle se repente. Si cela est suffisant, fabiha wa ni'mat. Dans le cas contraire, il faut se dresser et empêcher que le mal ne se répande, ne se propage. Sinon, il touchera la société, il touchera la communauté. Soit les gens repoussent et blâment le mal, soit ils seront associés. Et dès lors qu'ils sont associés, le mal les touchera tous. Le mal les touchera tous. Wal'iyadhu billah. Plus loin, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان. Concernant les châtiments universels, ils sont de deux types. C'est-à-dire ce qu'Allah décrète en guise de punition pour ceux qui commettent des péchés. نوعٌ على القلوب والنفوس ونوعٌ على الأبدان والأموال. Donc, un point très important que nous enseigne ici l'auteur rahimahullah. Les châtiments universels sont de deux types. L'un frappe les cœurs et les âmes, et l'autre les corps et les biens. La punition d'Allah Azza wa Jal lorsqu'elle descend, lorsqu'il décrète sur le pécheur l'effet de son péché, ça a un impact sur le cœur et l'âme, ou un impact sur le corps et les biens. Donc, le péché a forcément un effet, se répercute forcément dans la vie de la personne. Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sa punition sur son serviteur. On doit donc faire attention à être sur nos gardes, parce que le péché ne reste pas ainsi impuni. Rappelle-toi de ses conséquences, rappelons-nous de ses conséquences, afin de revenir vers Allah Azza wa Jal pour nous repentir et avoir peur de lui désobéir. Tu dois faire peur à ta propre âme et lui dire: si tu ne te corriges pas, le décret s'abattra sur toi. Si tu ne te corriges pas, ne te réformes pas, la colère d'Allah Azza wa Jal tombera sur toi. Ainsi Allah éprouve ses serviteurs en faisant descendre et s'abattre sur eux toutes sortes de malheurs. L'ignorant parmi eux fouille et ne comprend pas pourquoi il est dans la difficulté. Quant à celui qui a un minimum de clairvoyance, il sait d'où ça vient. Ça vient de son comportement, de l'état de son cœur, de l'état de sa langue, de l'état de ses membres, de son argent haram, de ses biens acquis de manière haram, de ses péchés. De ses péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: concernant le décret qui s'abat sur le cœur et la sanction qui frappe le cœur, il y a également deux types. Il y a également deux types. Le premier, alamun wujudiyya yadribu biha al-qalb. Le premier type, ça consiste en des souffrances qui s'abattent sur le cœur. Des souffrances existentielles qui frappent le cœur. Comme quoi? Comme la tristesse, comme l'angoisse, comme les soucis, comme l'affliction, la difficulté. Le bouleversement de l'état du cœur, la personne n'est pas apaisée. Même si tu lui réunis tout l'or du monde, elle ne trouve pas la quiétude. elle ne trouve pas l'apaisement. Au moment du coucher, elle pense à ses problèmes et tourne d'un côté, d'un flanc à l'autre. Au moment du réveil, elle sait qu'elle s'est réveillée dans les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le péché. Parce qu'elle s'est éloignée de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle est en dehors de ce qu'Allah agrée. Quelles que soient les excuses qu'elle essaye de se donner, quelle que soit l'apparence qu'elle essaie de faire voir, de faire montrer aux autres, elle sait ce dans quoi elle se couche, elle sait ce dans quoi elle se réveille. Donc ces douleurs, cette sanction décrétée par Allah Azza wa Jal, frappera son cœur. Et plus elle passera du temps dans le péché, et plus elle restera dans le péché, plus elle commettra des péchés, plus cette sanction sera durable et sévère. Et elle augmentera, et elle lui nuira. Ibn al-Qayyim nous dit ensuite, وَالثَّانِي قَطْعُ الْمَوَادِّ لَتِي بِهَا حَيَاتُهُ وَصَلَاحُهُ عَنْهُ وَإِذَا قُطِعَتْ عَنْهُ حَصَلَ لَهُ أَضَّادُهَا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la deuxième madha, le deuxième type qui frappe le cœur et l'âme, c'est la suppression des moyens qui assurent sa vie et sa rectitude. Allah Azza wa Jal va lui ôter, va lui enlever ce qui était nécessaire à sa bonne vie et sa réforme. On va lui enlever cela. Et dès lors qu'on lui retire tout ça, que se passe-t-il? C'est le contraire qui prendra place. C'est leurs opposés qui prendront place, à savoir le mal et les nuisances. Ibn al-Qayyim poursuit et dit « وَعُقُوبَةُ الْقُلُوبِ أَشَدُّ الْعُقُوبَتَيْنِ » Et la punition qui s'inflige sur le cœur est la pire des deux punitions. Ce qui touche le cœur, c'est ce qui est le pire. وَهِيَ أَصْلُ عُقُوبَةِ الْأَبْدَانِ Et c'est même la base de la sanction, de la punition, des châtiments qui touchent le corps. La douleur du cœur et le fait de ne pas trouver la quiétude et le repos est bien plus grave que la douleur qui touche le corps. Et c'est même sa base. Cette douleur, cette sanction, cette punition ne fait qu'accroître et augmenter. Jusqu'à prendre le dessus, et se propager sur le cœur, ensuite sur le corps. Elle passe du cœur et se propage sur le corps. Tout comme la douleur du corps passe sur le cœur. Et vous connaissez tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit que lorsque le serviteur commet un péché, un point noir lui inscrit sur le cœur. S'il se repent, se corrige, on le lui efface. Et s'il recommence, on lui inscrit un autre. Jusqu'à ce que son cœur soit totalement noir et qu'on le scelle. Puis il a mentionné le verset « Kalla bal rana ala qulubihim ». Donc, les péchés corrompt, affecte, nuise à l'état du cœur, puis à l'état du corps. Et lorsqu'il y a la douleur sur le corps, ça se répercute également sur Mada, sur le cœur. Donc, lorsque l'âme quitte le corps, et lorsque l'âme quitte le corps, ça c'est au moment du décès, le jugement lié à elle est à ce moment, et à ce moment apparaît le châtiment du cœur de manière apparente et claire. Et ça, c'est Adabul Qabr. Ça, c'est dans la tombe. Dès lors que l'âme se sépare du corps, Le châtiment sera reçu où? Il sera reçu dans la tombe. Il sera reçu dans la tombe. Dans le barzakh, dans le moment intermédiaire entre ce bas monde et la résurrection dans l'au-delà. Et ce qu'il subira dans la tombe est semblable à ce qu'on attribue au corps comme douleur. L'auteur nous dit, passons maintenant aux douleurs qu'Allah Azza wa Jal met sur les corps en guise de sanction pour les désobéissances. Elles sont de deux types, naw'un fi dunya wa naw'un fi l'akhira. Il y a un type de douleur dans ce bas monde et un autre dans l'au-delà. Wa shiddatuha wa dawamuha bihasab mafasid ma rutibat alayhi fi shiddati wal khiffa. Falaysa fi ad-dunya wal akhirah sharrun aslan illa adh-dhunub wa 'uqubatuha fash-sharr ismun lidhalika kulli. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, leur dureté et leur permanence sont en fonction des méfaits qu'ils impliquent, dans la dureté ou la légèreté. Ibn al-Qayyim donne une grande règle qu'il faut noter. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous donne une grande règle qu'il faut noter. فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌ أَصْلًا إِلَّا الذُّنُوبِ. Il n'y a pas dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, de mal sans que la cause ne soit due, ou sans que ce ne soit dû au péché et leurs conséquences. Et le mal est un nom qui englobe tout cela. Le péché et ses effets. Maintenant, d'où provient ce mal? Quelle en est la source? Ibn al-Qayyim nous dit, وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. L'origine du mal se trouve dans la mauvaise âme de la personne. L'origine du mal se trouve dans le mal de l'âme et les méfaits des actions. Ce sont les deux bases contre lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam cherchait protection lorsqu'il disait dans son prêche, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actions. Nos actions, nos péchés sont les causes des punitions décrétées sur nous. Allah nous dit فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِ. Chacun fut saisi par son péché. Pourquoi ils furent saisis? Pourquoi? À cause de leur péché. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا. Pourquoi ont-ils été noyés? À cause de leur faute, à cause de leur péché. Le prophète alayhi salatu wassalam cherchait refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de l'âme et contre le mal des actions, les péchés. Les mauvaises œuvres, soit commettre le péché, soit délaisser un ordre d'Allah Azza wa Jal ou du messager sallallahu alayhi wa sallam sans excuse valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation. Et en réalité, c'est Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu qui lui a demandé une dua. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah contre le mal de son âme et le mal des mauvaises actions. Ça, c'est la base. Puis il a cité les effets. An aqtarifa su'an ala nafsi, que je commette un mal sur ma propre personne, ou ajurrahu ala muslim, ou que je sois la cause d'une nuisance qui atteint le muslim. Les méfaits de nos actes proviennent donc du mal de nos âmes. Tout mal que tu vois à l'extérieur a pour cause le mal qui était dans l'âme de la personne. Le mal que tu vois n'est que la conséquence du mal qui était dans l'âme de cette personne-là. Certains disent « moi je suis bon, moi j'ai une bonne âme », mais ils sont dans le mal et dans les péchés. Donc il faut travailler sur l'âme, il faut travailler sur le cœur, il faut le purifier, il faut réellement et sincèrement faire un travail dessus. Mais pour cela, il faut se voir malade. Celui qui ne se voit pas malade ne travaillera pas, ne cherchera pas à se soigner. Celui qui ne se voit pas en surpoids, comment est-ce qu'il commencerait un régime et à corriger son alimentation? Celui qui ne connaît pas l'importance de la amana de ce corps-là, comment est-ce qu'il fera attention à ce qui rentre dans son corps? Ben celui qui ne connaît pas les méfaits des actions, la gravité, la dangerosité des péchés, notre sujet ici, ne fera pas attention à cela. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, on cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre tout le mal. Le mal de nos âmes qui engendrera le mal dans nos agissements, le fait de commettre les péchés. Et le fait de commettre les péchés engendrera, entraînera la sanction du Seigneur subhanahu wa ta'ala par le décret de choses sur nos personnes, sur l'âme, le cœur ou sur le corps, les biens. Il y a donc trois points à prendre en considération. On cherche refuge auprès de quoi? Et chacun de ces points ont un effet sur le suivant. La première chose, sharrun nafs, on cherche protection près d'Allah Azza wa Jal contre le mal de nos âmes. L'âme, elle incite à suivre les passions, à délaisser le livre d'Allah, à assouvir le désir dans le haram, à transgresser, à se mettre au-dessus de la servitude, et ainsi de suite. L'âme appelle à la transgression, à la vengeance, à la domination. Elle appelle à la révolte, à la rébellion. Donc tu cherches protection auprès de cette âme qui t'appelle au mal. Parce que si tu ne la maîtrises pas, ne la corriges pas, ne la réformes pas, elle t'anéantira. La deuxième chose qui est la conséquence de la première, c'est les mauvaises œuvres. Délaisser les obligations, commettre les interdits. Ça, c'est à cause de la mauvaise âme. Il fait les mauvaises œuvres. La troisième chose contre laquelle je cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, les sanctions, les punitions décrétées sur la personne à cause de ses mauvaises œuvres. Donc, c'est une dua qui est vraiment très importante, qu'il nous faut mémoriser. Sachez que cette invocation qu'on va citer fait partie des invocations du matin. C'est-à-dire qu'on dit, après les invocations du Fajr, avant le lever du soleil, mais également des invocations du soir, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, et enfin, du coucher, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans sa couche pour dormir. Quelle est cette invocation? Quel est ce trésor que nous a enseigné celui qui nous a été envoyé en tant que Mada? Miséricorde pour les montes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, wa ba'd, il y a quelques soucis de connexion, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, en espérant que vous puissiez entendre la suite. Dans le cas contraire, il y aura l'enregistrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une grande invocation. Une grande invocation à prononcer dans les invocations du matin, du soir et du coucher, qui est Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabba kulla shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi, wa min sharri shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ou Allah, connaisseur de l'invisible et de l'apparent, créateur des cieux et de la terre, seigneur et possesseur de toutes choses, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, contre le mal du shaytan et de son polythéisme, et contre le fait de me faire du mal à moi-même ou d'en faire à un muslim. Dans ce hadith, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, on a cité la base des mots. C'est le mal de l'âme et les péchés. On a également cité les conséquences. Se faire du mal à soi ou à autrui. Donc c'est une grande invocation que tu dis ici. Tu en as besoin. Tu es dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Mémorise cette invocation. Prononce-la chaque matin, chaque soir et à chaque fois que tu vas pour te coucher. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. Une grande invocation de la part des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Ghafir, et préserve-les des mauvaises actions. C'est-à-dire des effets des mauvaises actions, en plus des mauvaises actions. Quiconque tu préserves des mauvaises actions, et aussi du châtiment dû à cela, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des anges ou d'anges en particulier, qui sont hamaratul arsh, les porteurs du trône. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ghafir au début, verset 7: Alladhina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et lui implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Voici l'invocation. Voici l'invocation des serviteurs d'Allah parmi les anges. Ils sont créés de lumière. Ils ne sont pas comme nous, créés de terre. Mais on nous enseigne ici que le lien le plus solide, le lien le plus fort est l'Iman. Ils sont croyants en Allah et nous sommes croyants en Allah. C'est pour cela qu'ils invoquent en notre faveur. Des invocations successives, régulières, quotidiennes, en faveur des pauvres pécheurs que nous sommes. Et ceci est vraiment une grande grâce de la part d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Ceci est vraiment une grande grâce de la part d'Allah Azza wa Jal sur nous qui sommes ses serviteurs. Ainsi, il nous préserve du méfait de nos âmes et de nos actions en acceptant cette invocation. En acceptant cette invocation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le serviteur doit avoir conscience. Le serviteur doit avoir conscience de la grandeur de cette affaire. Il doit avoir conscience de la dangerosité de cette affaire et il doit se réfugier auprès de son Seigneur. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que cette invocation comprend une demande de protection contre les méfaits de nos œuvres, mais aussi de la punition que le serviteur n'aimerait pas recevoir. Et lorsqu'Allah, et si Allah Azza wa Jal te préserve de la mauvaise action, il te préservera de la conséquence. Donc Allah Azza wa Jal te préserve de ces deux choses-là. Et il t'accorde al-maghfira. Il t'accorde al-maghfira. Qu'est-ce que al-maghfira? Al-maghfira, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal te couvre la faute. Les gens n'en ont pas conscience, ils ne le voient pas, ils ne le savent pas, parce qu'Allah t'a couvert. Et Allah aime as-sitr, Allah aime qu'on couvre le croyant. Tant que son mal ne se répercute pas sur autrui, et qu'il ne représente pas un danger pour la société ou la communauté, Allah Azza wa Jal aime qu'on couvre la personne. Deuxièmement, dans le maghfira, il y a al-mahw, il y a l'effacement de la faute. Elle n'est plus présente dans ses feuillets, il ne la trouve pas le jour de la résurrection. Et troisièmement, comme dans ce verset, waqihimu sayyi'at, on te préserve des conséquences du péché. On te préserve des conséquences du péché. Tout cela est demandé. Tout cela est demandé. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala te dit wa ta'ammal ma tadhammanahu hadha al-khabar 'an al-mala'ikati min madhihim bil-iman wal-'amal as-salih wal-ihsan ila al-mu'minin bil-istighfar lahum. وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم من الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته وسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit médite ce que comprend cette information émanant des anges. Ils font les éloges d'Allah Azza wa Jal par la foi, par les actions pieuses. Ils font ce qu'on appelle le tawassul. Ils avancent, au lieu de faire une simple demande, des éloges à Allah Azza wa Jal. La foi, les actions pieuses, ils avancent cette bienfaisance envers les croyants en demandant à Allah de leur pardonner. Ils mentionnent la vaste connaissance d'Allah Azza wa Jal et la vaste miséricorde de notre Seigneur. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait cette science qui englobe tout, comprend qu'il a connaissance de nos péchés et des causes comme notre faiblesse face à la patience devant la passion et le péché. Et le fait que l'ennemi prenne le dessus sur nous. Et que notre âme prenne le dessus sur nous. Et que nos passions inhérentes à notre personne nous nuisent et prennent tantôt le dessus sur nous. Et qu'on nous ait embelli la dunya. Allah Azza wa Jalla a connaissance de tout cela et savant de toutes choses. Du temps où nous étions dans le ventre de nos mères, Allah Azza wa Jalla avait parfaitement connaissance de notre état et de notre avancée, notre finalité. Il a la science awwali, la science de toutes choses depuis toujours. Il savait qu'on allait pécher. Et il aime le pardon et l'absolution, subhanahu wa ta'ala. Et nul n'a cette connaissance totale, absolue et parfaite, si ce n'est lui, tabaraka wa ta'ala. Quant à la vasteté de sa miséricorde, ça comprend qu'il ne va pas anéantir ses serviteurs croyants à cause de leurs péchés, car ils sont des adeptes du monothéisme, et ils l'aiment. Sa grande miséricorde fera qu'il ne les fera pas sortir de sa miséricorde. Seuls les perdants, les malheureux, qui ont été créés pour la fournaise, en seront exclus. Et il n'y a pas plus malheureux que celui qui aura été exclu de la vaste miséricorde d'Allah qui embrassait toutes choses. Puis les anges ont demandé à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne à ceux qui se repentent. À ceux qui se repentent et suivent son chemin, c'est-à-dire ce chemin qui amène à la connaissance d'Allah, à son amour, à son obéissance. Celui qui connaît véritablement Allah, c'est celui qui l'aimera, c'est celui qui le connaîtra, c'est celui qui lui obéira. Celui qui est sur le chemin droit connaîtra Allah. Et quand il le connaîtra, il l'aimera par-dessus tout et il cherchera à lui obéir. Et il se délectera de par cette proximité qu'il ressentira de son Seigneur. Ces gens-là se sont repentis de ce qu'Allah détestait. Et ils se sont dirigés vers le chemin de ce qui lui plaisait. Les anges ont également demandé à Allah de nous préserver des châtiments de la fournaise. Afin qu'on n'y entre pas. Ils ont demandé cela pour nous, certes. Mais également pour ceux qui sont avec nous et qui sortent de nous, épouses, enfants, et de faire en sorte qu'on entre plutôt dans le paradis, qu'il a promis aux croyants, même si Allah Azza wa Jal ne manque jamais à sa promesse. Mais il nous donne ici une cause d'y parvenir. Ce sont les invocations des anges qu'il exauce. Donc voici un grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde. Nous, les serviteurs croyants, puisse Allah Azza wa Jal nous éloigner des péchés et nous rapprocher de son chemin. Et on finit ce verset par « Inna kanta al-azizu al-hakim » « C'est toi certes le puissant et le sage. » Et il y a forcément un lien entre le passage et la finalité du verset. C'est ça la base. C'est ça la cause, c'est parce qu'Allah est puissant et sage qu'il facilite cela. Ce qu'il nous donne ici provient de la perfection de sa pleine capacité et de sa pleine connaissance. Parce que la puissance, c'est la perfection de la pleine capacité et la sagesse, c'est la perfection de la science. Et ces deux caractéristiques, ces deux attributs, Allah Azza wa Jal décrète ce qu'il veut, ordonne ce qu'il veut, interdit ce qu'il veut, récompense ce qu'il veut, punit ce qu'il veut. Ce sont donc la base de la création et de son ordre. En résumé, les sanctions, les châtiments provoqués par les mauvaises œuvres se composent de punitions religieuses et de punitions universelles. qui frappe le cœur, le corps ou les deux conjointement. Et cela a lieu dans ce bas monde, dans la tombe ou dans l'au-delà. Mais on retient que les péchés ne restent jamais impunis, sauf pour celui qui se repent et revient à Allah Azza wa Jal. Mais ici, une chose très importante que nous mentionne l'auteur. فَذُنُوبُ لَا يَخْلُو مِنْ عُقُوبَةٍ الْبَتَّةِ وَلَكِنْ لِجَهْلِ الْعَبْدِ لَا شْعُرُ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ. Les péchés ne restent jamais impunis. Mais l'homme ne le réalise pas à cause de son ignorance. Allahu Akbar. À cause de son ignorance, il ne ressent même pas qu'il est puni. لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السُّكْرَانِ السَّكْرَانِ وَالْمُخَدِّرِ وَالنَّائِمِ الَّذِي يَشْعُرُ بِالْأَلَمِ. Car il est à l'image, il est semblable à l'homme ivre, drogué et endormi qui ne ressent pas la douleur. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَصَحَى أَحَسَّ بِالْأَلَمِ. Mais dès lors qu'il se réveillera et dégrisera, il sortira de son état d'ivresse, il ressentira la douleur. Allahu Akbar. Les gens des péchés sont semblables à des ivrognes qui ont sombré dans l'alcool, qui ne ressentent plus les choses, et dès lors qu'il sort de l'état d'ivresse et sort de la zone de dégrisement, à ce moment-là, ils ressentent toute la douleur. Et on a peur que ce moment-là soit une fois arrivé dans la tombe. On a peur que ce moment soit une fois arrivé dans l'au-delà. Fallahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: Fatarattubu al-'uqubati 'ala adh-dhunub katarattub al-ihraq 'ala an-nar wal-kasr 'ala al-inkisar wal-gharaq 'ala al-ma' wa fasad al-badan 'ala as-sumum. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: les châtiments sont liés au péché, comme la brûlure au feu, la brisure à la casse, la noyade à l'eau, la putréfaction du corps au poison et les maladies aux causes qui les provoquent. Il y a un lien indéniable. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عن إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. Est-ce que l'effet du péché, la punition, la sanction vient immédiatement? Ibn al-Qayyim nous dit: le méfait peut survenir en même temps que le péché, tout comme il peut tarder plus ou moins longtemps. De la même manière que la maladie peut survenir en même temps que celui qui la provoque ou plus tard. Donc, des fois, ça vient en même temps. Des fois, ça vient un peu après. Et des fois, bien après. Des fois, ça vient bien après. À l'image de celui qui consomme de mauvaises choses. Sur le coup, il ne ressent pas. Mais parfois, subitement, il est touché par un cancer qui provoque une maladie, ou plutôt qui provoque la faiblesse de ses défenses et une chute vertigineuse de ces dernières, ce qui emmène à la mort subite. Pour d'autres personnes, ça sera bien plus long. Ils peuvent vivre des dizaines d'années avec ce cancer. Et la base, ça peut être une mauvaise alimentation. Il a ingéré un aliment puis un autre. Il ne se souciait pas de ce qu'il mangeait. Et au final, le voici avec une maladie gravissime qu'on découvre des années après. Donc il faut faire attention. On ne doit pas penser que lorsqu'on ne ressent pas, on n'est pas touché. Et ça peut être pire de ne pas ressentir. Car on ne va pas réaliser, donc se corriger. Ibn al-Qayyim nous dit très souvent: le serviteur se trompe dans ce domaine. Pourquoi? Car il ne voit pas l'effet et il ne ressent pas la sanction. Il ne ressent pas la sanction Il commet donc un péché puis un autre. Et il ne sait pas que ça vient progressivement. Tout comme le poison, tout comme les choses nocives, pareillement. Soit le serviteur pourra se soigner, soit il pourra vider de son ventre ce qui a été ingéré, soit il pourra faire un régime et ainsi de suite. Dans le cas contraire, ça sera un anéantissement et une mort, inéluctable. Et pour finir, wallah, une parole très lourde. Wallah, une parole très lourde. Très, très, très lourde. Qui doit tous nous faire réagir et qui doit tous nous faire prendre conscience de la dangerosité de cette affaire. Tout ce que vous avez entendu, Ibn Qayyim nous dit ensuite, هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة والله المستعان. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit tout ceci, s'il s'agit d'un seul péché, toutes ces conséquences, s'il s'agit d'un seul péché, qui ne fait pas suivre ce qui annulera ses effets. Que dire alors du péché suivi d'un autre péché, et ainsi de suite, chaque jour, à chaque instant? Ibn Qayyim nous dit, ce désastre a lieu quand tu commets un seul péché duquel tu ne te repens pas. Que dire alors si c'est un péché suivi d'un autre et encore un autre? Et réellement, véritablement, sans aucun doute, Ibn al-Qayyim a été un bon conseiller. Ce grand imam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a été un bon conseiller pour nous. Chers frères, il te faut, comme moi, prendre conscience de la dangerosité de ces péchés. Et il te faut arrêter immédiatement. Combien sont ceux qui disent, je suis dans telle faute, quel est ton conseil? Je suis dans tel péché, quel est ton conseil? Subhanallah, moi, déjà, j'ai besoin, moi, de ce conseil-là. Et je ne suis pas peut-être la bonne personne vers qui tu dois te diriger. Tu devrais te diriger, après t'être dirigé en levant tes mains vers ton Seigneur, te diriger vers les gens de science qui sont pieux. Et j'en en fais pas partie. Puisse Allah Azza wa Jal nous couvrir, nous pardonner et nous élever dans leur ressemblance. La solution à tout cela, Akhil Karim, Akhil Mukarram, Akhil Aziz, ce conseil sincère, je me l'adresse à moi-même, puis à ta personne, c'est d'arrêter le péché. Tous les problèmes qu'on a, c'est à cause de nos péchés. Il faut arrêter le péché. Il faut revenir à Allah Azza wa Jal. Et la porte du repentir est grande ouverte. Et Allah nous entend, il nous voit, et c'est le pardonneur, c'est le miséricordieux, c'est le bon, le doux, l'affectueux. Il aime et se réjouit du repentir de son serviteur. Il ne tient qu'à nous de saisir cette opportunité et de revenir à Allah. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Rabbil alamin.